Je suis une balle, je ne pèse que quelques grammes. Je vais avec les armes comme la mort avec les larmes. À l'image de l'homme, je fais des trous dans le corps pour le passage de l'âme. Je suis l'intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire. Ta vie est une fresque et tu es son dessinateur. Fais tes choix, c'est important, même si tu dessines à tort. Je suis le jeu de la mort entre la proie et son prédateur. Je suis la réalité terminator, je deviens sénateur. Je saigne la peur et pleure l'espoir. Je suis 20 joints par semaine pour 2 heures de sport. Je suis la bouteille d'Enneken qui accompagne tes soirs de semaine. Je suis l'écouteur qui passe le message dans ta boîte crânienne. Je suis l'oreille attentive à tes problèmes. Je suis le cœur qui bat dans ton abdomen. Je suis une voix pour celles qui préservent encore leur hymen. Je suis la joie, la peine, l'amour et la haine. Je suis la télévision qui t'abrutit. Je suis les menottes qui te serrent les poignets pour tes broutilles. Je suis la rage de vaincre. Je suis cette page blanche recouverte avec de l'encre. Je suis ton billet de bateau une fois par an. Je suis la présence qui nourrit le malaise apparent. Je suis comme je suis parce que je sais que c'est contre moi que je dois combattre, alors j'essaie. Je suis cette terre qui t'a vu naître. Je suis cette mère qui t'a mis et qui t'aime plus que tout. Je suis cette éducation nationale qui s'est bien fichue de toi. Je suis celle qui t'a récupéré sans repère. Je suis celle qui ne fait pas de manière. Si c'est désespoir, tu ne fais pas de différence. Je suis celle qui se mélange dans tes veines. Je suis celle qui se fume entre tes lèvres. Je suis celle que t'aimes. Je suis cette fleur qui squatte les tribunaux et n'a pas honte de juger. Je suis ce prof qui a pris des grandeurs. Je suis ce mec qui a pris la place de Dieu. Je suis cette balle qui a réservé ta place aux cieux. Je suis cette jeunesse qui fonce à 200 sur l'autoroute. Je suis ce gramme, cette chaise de la muerte. Je suis cette bombe nucléaire. Je suis cette connerie atomique qui chute. Je suis l'humanité. Acte 1. Je suis ce code pénal qui rectifiera ton avenir. Acte 2. Je suis cette société qui t'a formaté. Acte 3. Prépare-toi, je suis un bâtard au pouvoir. Je suis tes rêves et tes envies. Je suis tes vices et tes folies. Je suis ta dépendance. Je suis la haine et l'amour. Je suis tes joies et tes peines. Je suis tes larmes et tes sourires. Je suis tout en étant nada. Je suis le procès. Je suis le dictateur et son armée. Je suis les cornes en opération casse-pédier. Je suis le tsunami sur les côtes de Miami. Je suis le bras droit de mon ami. La personne la plus importante aux yeux de mon ennemi. Je suis négociateur, je suis prêt à faire à Miami. C'est pas la lâcheté, c'est juste un compromis. Je suis la masse positive de la balance. Le métronome de ma cadence. Dans les starting blocks, je suis dans l'effervescence. Si j'étais un événement, je serais une essence. Sûr que je raterais pas ma descendance. Je suis le rap et pas sa tendance. Car je suis la réflexion et pas l'innocence. J'étanche ma soif qui jamais ne sèche. Je suis la tempête en pleine sécheresse. Je suis le cerveau qui a le doigt sur la gâchette. Je suis la roue de la charrette comme je suis la tête de la roquette. Je suis le rap, mon arrêt, je revendique le titre de nos blesses. L'indépendance, la source des envies. Je suis ta conscience, je suis ta meilleure amie. Par moyen de m'esquive, je suis ton ombre, je suis réhabi. Je suis ton cœur quand je m'arrêterai, tout sera fini. Je suis ta dépendance, la source des envies. Je suis ta conscience, je suis ta meilleure amie. Par moyen de m'esquive, je suis ton ombre, je suis réhabi. Je suis ton cœur quand je m'arrêterai, tout sera fini. Je suis un gros sub dans la bouche d'une pompeuse. Je suis cette bouteille bien fraîche dans l'anus d'une baveuse. Que tu rentres chez toi et que t'as perdu tes clés. Tu dors sur un banc sans qu'on revient dépouiller. Ok, TPS, je suis passé dans le présent. Le présent dans le futur dans le passé. La raison, tout ce qui m'entoure, peu importe ce qui peut se passer. Je suis cette âme, ouais, vivant dans les alentours. Je suis le payeur des pots cassés. Je suis ce cierge qu'on allume quand un ami vient trépasser. Je suis le résultat d'un travail en équipe, associé, négocié. Bon virage, juste bon point sur le dossier. Je suis cette fée sur laquelle tu peux t'adosser. Je suis cette fusée sur laquelle tu peux t'envoler. Nuage, tu peux planer. Joint, tu as fumé, si mûr que tu prends plein de fouet. Quand subitement tu es amené à canner. TPS, la synthèse d'un morceau. Je suis plus que cette vie terre vécue dans une ère sombre. Tu la vedette d'un sitcom. C'est la réalité ici comme. Telle est la réalité ici comme tu peux le constater. Ici comme ailleurs, TPS là. Tout ce que bon te semble, je suis là comme hier, comme aujourd'hui. La force des frères fait que je suis. La souffrance de nos mères fait que nous sommes. Ok, c'est la vie telle qu'elle est et pas un foutu sitcom. Telle qui nous emmerde avec leur putain d'icône. La vraie vie, celle qu'on nous enseigne dans les livres saints. L'histoire, les coutumes, nos ancêtres. Pas ces foutus diplômes et pas ces foutus diplômes. Seul Dieu reste lui, je suis le reste. Ok, TPS là. TPS là. C'est elle.